Le goût des chiffres, le goût des risques. Qu'est-ce qu'on aurait pardonné pour le gang, pour son respect. Le calme m'aurait pardonné. Je serais pire pour bâtir un empire sur les hommes, le cadavre et l'esprit. Je respire, je mets dans mon tir et j'expire. Je repense au temps où j'aurais pu rester. Trempé dans le sale, t'as des faiblesses. Faut que personne ne ressente. Au fond de la succursale, c'est j'ai une top. Dressant l'état des ventes. Grandi dans le sang, on vient du vent sans le vouloir, on va mourir ensemble. Âme grandi dans le centre, formes différentes, mais tu sais, nos fonds se ressemblent. On va pas se replier, on s'entretuera jusqu'au dernier rang, jusqu'au dernier délié. Vie dure et luxure, tira bout portant, j'éclabousse le damier. Pourtant, je suis debout depuis là, sur le rouge pilote. Le bruit du Beretta précède les pilotes. Bang, bang, bang, bang, bang, bang. Le bruit du Beretta précède les pilotes. Bang, bang, bang, bang. Bang, bang, y'aura du sang sur les métaux, ça sera la fin de l'épisode. Bang, bang, tu craindras les têtes casquées. Dans ton connaît tes frères, je crève en QHS, en HP. Crève dans mes locaux, mauvais PR. Surveille ton langage, ne me parle pas comme si j'étais né hier. Lequel dans le crime est le meilleur? J'aimerais t'arroser dans ton bar. Je laisse une grenade au comptoir, tu sens faire les meilleurs. On a trouvé les décors de la ville, estimé le prix de leur vie. Démarrer des stories dans le vif du sujet, elles ont filé rougé. Mourir, j'aime comme Daniel. Regarde ce qu'on a fait pour le chiffre. Prendre la ville à violer. Souffrir, shooter, les soupirs. On va pas se replier. On s'entretuera pour l'honneur des nôtres. La mémoire nous oublier. Vie dure et luxure, courir après le temps. Rêver de figer le sablier. Pourtant, je suis debout depuis là. Sur des rouges pilotes. Le bruit du Beretta précède les pilotes. Bang, bang, bang, bang, bang, bang. Le bruit du Beretta précède les pilotes. Bang, bang, bang, bang, bang, bang. Il y aura du sang sur les métaux, ça sera la fin de l'épisode. Bang, bang, c'est le reste. Gordon. Bang, bang, bang, bang. Poutre. Comora. Bang, bang. Je suis attendu chez toi comme Don Pietro.